Un jour je marchais dans la rue sans m'en rendre compte que je repensais à cette fille que j'avais croisée, cette fille qui ressemblait à celle de mes pensées, femme qui au premier regard m'avait envoûté. Elle était si belle que je n'ai osé lui adresser la parole pour simplement lui parler. Je n'ai su que faire car elle semblait être pressée par le temps qui passe et qui pour moi s'était arrêté. Je ne savais rien d'elle et pourtant je savais que c'était avec elle que je souhaitais passer un court instant, mais mon souhait était de passer le temps avec elle à jamais. Je ne savais rien d'elle, et pourtant je savais que c'était avec elle que je souhaitais passer un court instant, mais mon souhait était de passer le temps avec elle à jamais. On s'est croisés dans la rue comme ça, et pour moi j'étais envahi d'envie pour toi, d'envie de te connaître, de te revoir. Tous les jours de ma vie, crois-moi avec espoir, j'ai ne su t'aborder pour te parler de tout et de rien, pour sympathiser. Mais tu semblais être pressé et je n'ai osé simplement te dire que tu étais la femme rêvée. Je ne savais rien d'elle, et pourtant je savais que c'était avec elle que je souhaitais passer un court instant, mais mon souhait était de passer le temps avec elle à jamais. Je ne savais rien d'elle, et pourtant je savais que c'était avec elle que je souhaitais passer un court instant, mais mon souhait était de passer le temps avec elle à jamais.